una de les cançons que us comentàvem. Ara el que escoltarem és un artista nascut el 17 de juliol de 1999 a Lisboa, Lisandro Cuxi, cantant francès-portuguès, que va guanyar el 2017 la sisena edició de The Voice, la veu més hermosa com a part de l'equip MAT. Va realitzar el seu àlbum de debut al setembre del 2017 amb cançons fantàstiques i temes com, per exemple, aquest que escoltarem, un dels dos senzills, extraordinaris senzills, que a França van ocupar el 17 i el 18 de les llistes Danser, i l'altra va ser la cançó Eva. El 2017 aquest Danser va ser un dels seus èxits. Lisandro Cuxi. Je te connais à travers le regard de mes aînés. Je connais ton histoire, mais j'ai jamais marché sur ta plage. J'ai grandi sous le soleil de Zambouja les 10 midi. Mais j'avais les yeux vers un autre pays, petit pays et d'autres paysages, paysages. Oh, je te promets que je viendrai te rencontrer. Mon île adorée, je sais déjà qu'on va s'aimer. À toi j'ai des ailes et des racines, c'est clean, je signe, je serai bientôt là. Oh, je te promets que je viendrai te rencontrer. Mon île adorée, je sais déjà qu'on va s'aimer. C'est sûr que je te quitterai, mais c'est juré. Je t'assure que toi et moi c'est gravé. Oui, c'est sûr que je reviendrai. Je te ferai danser. Portaven els ritmes musicals amb aquest en 2017 i com altres artistes també destacaven amb les seves cançons. En aquest cas, però, un artista que ja havíem escoltat a través del nostre programa, Julien Doré, cantant nascut el 1982 i que va guanyar també un concurs televisiu, en aquest cas, la cinquena edició del Nouvelle Star, que s'emitia per al canal francès MC. Escoltem, doncs, una de les seves cançons, també interessants, del seu disc, del seu senzill publicat el 2017. Cançons fantàstiques, com aquest Coco Calin, que ens va conduir i que va arribar a ser un número 2 a les llistes de Bèlgica i un número 14 a les llistes de singles franceses el 2017. Sous l'eau marine, au désir des Que ens la va presentar el nostre col·laborador, l'Àngel Rodríguez, fa uns programes, i que avui recuperem també amb una de les seves cançons del 2017, i també connectada amb Portugal, igual que abans ha mencionat un altre artista. Va néixer el 1996 a Muzac, a l'Occitània, una jove intèrpret que ens arribava de mare francesa, la Lorenz, però de pare portuguès, en Joaquim. Com a jove va tenir molt, molt d'èxit a través d'aquell grup de joves anomenat Pop System, i que ens portaven sèries per mainada amb el canal J. Després ha tingut bons èxits musicals. Va començar el 2009 amb l'Abraham Mateo, el cantant i actor espanyol. Va fer una versió en castellà del tema Without You, de Bad Fingers, que va ser un èxit de Harry Nilsson el 1978, després de la Maria Carey el 1994. Bé, m'estic embolicant ara mateix. Escoltarem una de les cançons de la Caroline Costa, concretament el seu senzill que es va publicar, una cançó interessantíssima d'aquest en 2017, en la cançó Maintenant. Pour après, décaler le bonheur à plus tard, ne rien laisser au hasard. Il faut regarder droit devant, ne jamais s'arrêter longtemps et négliger le présent. Négligez-nous, on se laissera pas faire, on ouvrira nos yeux au moment éphémère et à deux on dira. N'est pas éternel, c'est maintenant, regarde-moi bien. Maintenant, il n'y aura pas de demain. J'aime, j'aime quand on se rappelle que l'essentiel n'est pas éternel. Tu ne prévois pas, des projets t'en as pas. Tu te laisses porter au gré du courant. Tu t'attaches à ce que tu maîtrises, et ce qui t'échappe, tu le méprises. Ce que j'aime, voilà, quand on te côtoie, c'est qu'on se laisse porter par l'instant. Quand le monde ne parle que d'avenir. Quand le monde ne parle que de nous prémunir. Nous, on se laissera pas faire. On ouvrira nos yeux au moment éphémère. Et à deux, on dira c'est mal. J'aime quand on se rappelle que l'essentiel n'est pas éternel. C'est maintenant, regarde-moi bien. Maintenant, il n'y aura pas de demain. J'aime quand on se rappelle que l'essentiel n'est pas éternel. Aquesta interpretació d'aquest tema que sortia a finals de 2016, triomfador també entre aquest any a cavall del 2016 i 2017, mencionant que avui hem recordat. La darrera de les cançons d'aquest repàs que estem fent a bones cançons i bons artistes és un altre excel·lent cantant que ja vam descobrir en un dels primers programes de Olala Music. Concretament és en Calogero, Josep Salvatore Maurici, nascut a prop de Grenoble el 1971. El seu origen és italià i ell ens ha portat ja àlbums des del 1999. L'escoltarem també amb una cançó de Ju de la Music. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit un peu partout. C'est comme un volcan dans ma tête. Parfois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je range ma guitare électrique. Arribem a la meitat del nostre programa. És el moment de donar la benvinguda també al nostre col·laborador, l'Àngel Rodríguez. Avui un pèl més tard del que és habitual, el convidem a que ens presenti la seva recomanació musical d'aquesta setmana. Benvingut, Àngel. Què tal, Rafael? Com ens va? Bé, no és la primera vegada que el tenim, aquest artista, ni serà la darrera. Jean-Jacques Goldman li agrada tant aquest programa que tu presentes, Rafael, que ens demana sovint entrar-hi, ens truca a la porta i nosaltres no tenim cap més remei que deixar-lo entrar perquè, com molt bé sabeu, es tracta d'una de les grans veus de la cançó francesa. Nascut l'any 1951 a París, avui Jean-Jacques Goldman ens ofereix aquesta cançó del 2009. Espero que us agradi. On irà? Laissera nos clés, nos cartes et nos codes de prison pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir aux belles. On ira, on partira, toi et moi, où je sais pas. Que les routes qui sont belles, et peu importe où elles nous mènent, aux belles. On ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore. On n'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort. Oh, j'ai tant obéi, si peu choisi, petite, et le temps perdu me dévore. On prendra les froids, les brûlures en face, on interdira les tiédeurs, les fumées, les alcools et les calmes en cuirasse nous envolent et nos douleurs. peces de la cançó de Jean-Jacques Goldman, que ens ha conduït l'Àngel Rodríguez. Seguim molt a la Music amb Rafael Corbí. S'haurà passat a la meitat del nostre programa. Escoltarem música ara del disc que ens porta l'Aurelien Cotentin, conegut amb el nom artístic d'Aurel San, nascut a Lençon, a l'Orne, el 1982, rapper francès, compositor, productor musical, actor i també director de pel·lícules. Ens porta aquest hip-hop francès amb bons ritmes, com per exemple a través de l'àlbum que avui recordem alguna de les seves cançons, La Fête est finie, La festa s'ha acabat, del 2017, número 1 a les llistes de França i també de Bèlgica. D'aquest disc escoltem el primer dels senzills que en va sortir, la cançó anomenada Vasic. Ok, j'ai demandé à Scred de faire une instru simple, parce que je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. Ok, simple, basique, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs, ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple, Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique, à l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple, les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique, 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple, tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique, si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple, toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple. Vous n'avez pas les bases. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Je baisse ta meuf et je me fais des pattes. Pour partir plus vite, je respecte même pas le temps de cuisson. Sous pression, toujours en mission. J'ai rien fait par rapport à mes ambitions. Je veux faire mal, faire un truc viral. En gros, je veux faire comme les mecs qui ont inventé le sida. Je veux plus jamais faire les mêmes erreurs. Hanté par le passé, pressé d'avoir Alzheimer. Avant j'étais mauvais, sky dans les gobelets. Une de mes bouteilles avant d'aller bosser. Toutes ces connasses à mes côtés. Terroriste sexuel, elle veut juste se faire sauter. Ta vie c'est de la merde, à qui la faute? T'es figurant dans le film de la vie d'un autre. T'assumes pas, tu critiques ce que t'aimes. Combien de fois tu vas dire que je suis mort avant que je revienne? Faut rapper comme des rasta blancs. Pourquoi tu rappes comme un rasta blanc? T'as pris les codes d'une musique et tu l'appliques bêtement. Pendant qu'on va de l'avant, tu peux me trouver dans les rues de Caen. Avec un mélange où tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens. C'est criminel la façon dont je tue le temps. Necfeu, Aurel San, Nexan, Aurel Feu. Qu'est-ce que t'attendais de mieux? Étoile dans les yeux, yes. J'ai grandi dans l'ouest. J'ai les mêmes potes qu'à l'époque, nous d'abord et fuck le reste. Yes, je faisais ça pour le kiff à la base. Je faisais mes clips et mes disques à l'arrache. Mais comme d'hab, y'a toujours un type qu'à l'arrache. Un truc de business qui détruira la vibe. Yes, j'ai vu la célébrité comme un mirage. Plus qu'un album et je me fais faire le visage. Histoire de pouvoir retrouver le même feeling qu'à l'époque où je recopiais les flots de Dizzy. Laisse-moi, je suis dans ma zone. Laisse-moi, je suis dans ma zone. Laisse-moi, je suis dans ma zone. Laisse-moi, je suis dans ma zone. Fin de contrôle, j'avais rien sur moi, mais la keuf guette. Elle est mignonne, mais elle aura pas la queue de Ken. Je mets les femmes en confiance comme un club gay. Elles veulent enlever le haut comme un cupcake. Non, mais dis donc, tu veux ma confiance, ça met du temps, met du temps. J'ai construit mon empire de mes 10 doigts, mes 10 doigts. 2017, j'attends toujours ma dido. Et comme un décalage entre mon époque et moi. Même à l'école, les professeurs ne comprenaient pas comment je pouvais niquer mon avenir. Je devais trouver ma voie, j'avais du mal à choisir entre les trois premiers Pokémon. Certaines nuits, je ne savais pas où aller. C'est pas mon genre de mentir. Y'a ceux qui disent oui, mais quand on me demandait Ken, t'as des ennuis, je disais non comme Wallen. Dans ce siècle sans la banque, t'as aucune chance. Autant faire la sieste sur la bande d'arrêt d'urgence. La vie c'est speed, génération 16 bits. Loin des suspects, M6 sans un speed. T'as la pression quand t'aurais t'invite. Depuis 2011, on t'avait dit que t'aurais ton fit. Alors on va bien te niquer si tu type-pip. Et tu vas retourner kicker sur des type-beats. Il nous reste peut-être quelques secondes à vivre. Tu me demandes mes nouvelles, mais c'est qu'une tactique. Dis-moi pourquoi les gens d'aujourd'hui se contactent-ils. Si c'est pour faire l'amour avec des écrans tactiles. Tous ingrats, l'état du monde s'aggrave. 5 grammes dans le crâne, c'est le Saint Graal. Les uns craquent, les autres tiennent, mais ça craint. Ils obtiennent du chagrin qui s'accroît, mais les plaies s'aggravent. Dehors ça crame, c'est crade, on pense au bien de chacun. J'ai ouvert mes chakras, un peu des miens dans chaque rap. Chacal, l'entourage casse au flot. Nexan, aurait le feu, aurait le feu, Nexan. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Moi, laissez-moi, je suis dans ma zone. I don't speak French, but whatever he's saying, that work a Ross Clark flow, he ain't playing. I met him just the other day in LA. He told me that he had a rhythm that he wanted to play, and I should listen if it's really something different, okay? Had a suspicion that he wouldn't just go out of his way. Must be official, I don't really see your issue. What's the worst that could happen? Could be another crappy rapper talking about they're in the trap and all that other scatty shit that they yapping. And then they turned the rhythm on, it was snapping. It wasn't lacking, had me bopping and tapping. I had to jack it, I told him I would definitely back it. I just gotta figure how to attack it. Could be an acid, can't be just out here making a racket. For the sake of a pay packet, let's make it a classic. It's a dirty little beat, it reminds me of the streets, Mike Skinner in them. I got that old school feeling again. Two-stepping in the ends, gun finger to the ceiling again. I'll give it 10 out of 10. Tell the producer he should send me the stem. Somebody get me a pen. The beat's lang, I can't even pretend. Give me the microphone and let me do what I do best. Give me the microphone and check. 1, 2, 3, test. It's all blessed, say it with your chest and all the rest. I don't rest and I'm never gonna settle for less than success. Invest in a flat in the west. Have Jess with the 32F press telling me she's very impressed. I digress, took a whole lot of mess, but in jest, so it's jiggy, I guess. Escoltàvem a Orelson des d'aquest en disc, la feta finir, la festa s'ha acabat el 2017 amb el senzill Zig, però després una cançó que ha triomfat bàsicament a Bèlgica, aquesta en Nefke i Didier Rascal, que es diu Zone, o per exemple una cançó que a França també va destacar d'aquest àlbum, Orelson amb Astromae i aquesta pluja que veiem i que sentim. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace, je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau. Il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. budget moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau. Il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, toujours autant de pluie chez moi. Un cop més arribant a la meitat del nostre espai, i és la companyia que ens aporta ara mateix en Ciril Torres amb el nostre espai. La música és la banda sonora de la nostra vida i, per tant, és un plaer compartir aquesta banda sonora amb unes notes que són les que porta cada setmana en Ciril Torres. Benvingut. La vida és la banda vital de la nostra música, també. Gràcies, Rafael, i hola a tothom. La música, doncs, és vida, senzillament, i viure és música, inclús el silenci és música, i entre tots, doncs, anem fent aquest fil musical que ens va relligant i que ens va deslligant de tant en tant. Sí, moment de compartir, moment de recuperar una de les veus femenines que a mi, doncs, els darrers anys m'ha interessat molt. Ella és senegalesa, però viu a França i canta indistintament en castellà, francès, anglès, i passa del jazz amb una decadència i amb una languidesa i a ritmes del tango. No sé, per mi és, com us dic, un personatge, doncs, interessant i a seguir. Ella és Soja, l'hem sentit molts cops en molts temes. Aquest em penso que mai, jo diria, o mai l'hem passat aquí a l'emissora, i és un bon moment, doncs, per compartir-ho. Soja, amb ella, doncs, compartim aquesta estona d'aquesta setmana fins la setmana vinent, i el tema que sentirem és Sé bien mieux comme ça, és molt millor. Sí. Yeah. Així hem escoltat la música que ens recomanava en Cyril Torres aquesta setmana, la música d'aquesta cantant de Marsella, Soha, ens portava les cançons. Ens queda poc per arribar al final del nostre programa, per tant, amb aquests darrers instants és moment d'escoltar un parell de cançons que ens condueixin fins al límit d'Hola la Music, i per tant podríem escoltar dos temes de cantants clàssics que avui, excepte al principi, a Michel Sardou pràcticament no hem escoltat. François Hardy ens portarà el primer d'ells, la cantant i actriu francesa, una de les cantants francòfones més importants de la història, nascuda a París el 1944, ens portarà aquest Amours toujours. L'amour, ce n'est pas comme l'argent, une monnaie qui sert de placement. L'amour stable et éternel, jamais on lui coupera les ailes. L'amour, ce n'est pas comme le charbon, vous en épuisez jamais le filon. L'amour, c'est plutôt comme le béton, un matériau de construction.